Les jours avaient passé et l'échéance approchait. Melchior ne s'était pas décidé à communiquer à Serena l'ensemble des informations. Cela se passerait un mardi soir. Serena prendrait une barque et naviguerait vers le large. Le sauvetage aurait lieu vers 23h, non loin d'un récif que Melchior lui communiquerait. Elle était prête. Mais en ce dimanche, il y avait une dernière chose qui lui restait à faire, une chose qui lui pesait, mais à laquelle elle tenait, une dernière visite à son ancien amant. Elle refit le chemin familier, en bordure de mer, parmi les lauriers roses et les bougainvillées, ses pas sourdis par les aiguilles de pin, ce même chemin qu'elle avait pris tant de fois, le cœur léger, pour se rendre chez Brugge. Elle arriva en début de soirée en espérant qu'il ne serait pas encore ivre. La porte était ouverte, et elle fut surprise de ne pas rencontrer le père de Brugge, qui s'absentait rarement. Mais elle ne fut soulagée, car cela lui faciliterait la tâche. Brugge, assis dans le fauteuil de la bibliothèque, semblait l'attendre. Elle vit tout de suite qu'il avait beaucoup bu, à son regard ralenti et errant. « Serena, » dit-il d'un air las, « ce n'est quand même pas toi qui as été chargée de ça. » Serena fronça les sourcils et s'assit sur le bureau à côté de lui. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Il l'observa puis éclata de rire. « Excuse-moi, je suis un peu nerveux. De toute façon, ce ne peut être qu'une visite d'adieu. C'en est une. Ah, Serena. Dans mes rêves, tu revenais pour me dire que rien ne s'était passé, que tout cela n'était qu'un cauchemar, que nous avions la vie devant nous. Nous l'avons, mais pas ici. » Il essaya d'être sérieux et sincère un instant. « Donc, tu t'en vas pour de bon ?»« Oui, après-demain soir. » »« C'est mieux comme ça. » Serena se leva, soupira. Le défaitisme de Brugge était exaspérant, insupportable. C'était une force d'inertie qui l'opposait de tout son corps, de tout son esprit, au salut. « Réveille-toi, Brugge. Arrête un peu ton numéro désabusé et résigné. C'est absurde, c'est ridicule, c'est malsain. Il suffirait d'une si petite parcelle de volonté de vivre, je ne peux pas croire qu'il ne te reste plus aucune. » Brugge l'observait, comme si elle était en train de gesticuler derrière une vitre. « Tu gesticules derrière une vitre » criait-il. « Je ne t'entends pas !» Serena avait envie de lui passer un savon, de le gifler. Mais elle savait par expérience que cela les conduirait dans la direction opposée à celle où elle voulait le mener. Elle se servit un verre de whisky, le but cul sec, et posa son verre sur le bureau. « D'accord, » dit-elle, « j'arrête de te faire la leçon. J'arrête de te secouer comme un sale gosse qui n'a pas fait ses devoirs. Je ne m'énerve pas. » Brugge la regardait, les yeux brillants, fascinés. Elle n'abandonnait jamais. « Serena, » dit-il à part lui, comme pour le simple plaisir de prononcer son nom. « Je te demande de sauver ta peau et ce qui te reste d'âme. Tu es l'autorité autant que moi. » « Ma peau n'est plus sauvable. Je suis un cadavre ambulant. Rends-toi à l'évidence. Le vieux Léandri aura trois fois le temps de m'enterrer. Et ton âme? Je n'ai pas d'âme. Je n'en ai jamais eu. Je ne crois pas à tes idéaux, à ta lutte, à ton avenir. Je ne crois pas à ton sens. » Serena commençait à comprendre qu'elle allait échouer. Il se mit à pleurer silencieusement, sans que sa voix s'en trouve altérée. « En quoi crois-tu alors ? J'ai cru en nous, » dit-il en la regardant tristement. « Je t'aime encore, » murmura-t-elle. Il avait un sourire triste, un air fragile, qu'elle lui avait rarement vu, comme s'il acceptait finalement la mise à nu, sans phare et sans costume de scène. « Mais je n'y crois plus, » dit-il d'une voix qui se raffermissait. Serena ne voulait pas laisser échapper cet instant, elle voulait espérer qu'il y avait une brèche. « Je suis vide, » reprit-il, « je suis exsangue, je n'ai plus rien à donner à qui que ce soit. » Serena pleurait toujours. Elle mit sa main sur celle de Brugge, qui ne réagit pas. « Je suis si fatiguée de moi-même, » murmura-t-il. Elle se précipita vers lui et le prit dans ses bras, l'embrassa, le serra, comme si elle avait le pouvoir de lui insuffler son élan vital. Mais ses mains restaient molles, ses bras ballants, sa bouche fermée. Il n'y avait plus de désir en lui. « Laisse-moi, Serena. Je t'aime encore, » répéta-t-elle. « Je sais, mais ton amour ne suffit pas. » Elle eut un sanglot violent, puis accepta de s'écarter de lui comme un contre-cœur. « Si tu changes d'avis, je pars mardi soir, à 22h, de la baie du Galion. Je t'attendrai jusqu'à la dernière minute. Je n'y serai pas. » Elle se passa la main sous les yeux. « Pars maintenant, » dit-il doucement. Elle hocha la tête, incapable de proférer un mot. Tandis qu'elle rejoignait la porte, il la rappela. « Merci pour tout, » dit-il. Elle esquissa un sourire. « Et pardonne-moi si tu peux, » ajouta-t-il. Il la regarda sortir, défaite, et se sentit soulagé. C'était la dernière fois qu'il détruisait tout ce qu'elle venait de construire, la dernière fois qu'il la faisait pleurer, et qu'il se haïssait encore un peu plus de ce qu'il lui fallait subir. Maintenant, elle était libre. Il ne l'entraînerait plus dans sa chute. Il se servait un autre verre de whisky lorsqu'il entendit un bruit dans l'entrée. Était-ce elle qui revenait ? Melchior apparut, tiré à quatre épingles, sur le seuil. Brux sentit une vague d'animosité monter en lui. « Je viens d'avoir la visite de l'ange. Maintenant voici le démon, » déclara-t-il. « Un démon subalterne, » précisa Melchior, « un exécuteur de tâches. » Brux se sentait dédoublé. Une partie de lui-même se révoltait à l'idée de la mort, et l'autre, plus puissante, l'appelait et la désirait. « Je trouve particulièrement déplaisant de mourir de votre main, Melchior. Je pourrais refuser de jouer le jeu, je pourrais me battre, je pourrais vous tuer, qui sait. Vous n'êtes pas un homme d'action, vous ne devez pas être beaucoup plus fort que moi. Et après ? Après ? J'aurai au moins eu le plaisir de vous éliminer avant d'y passer moi-même. Notre haine est cordiale et réciproque, comme vous pouvez le constater. Que voulait Serena ? » Brug observa son interlocuteur, hésita avant de porter son coup. « Me dire qu'elle m'aimait encore. » Melchior essaya de maîtriser son expression, mais la fureur qu'il passa dans ses yeux n'échappa pas à Brug, qui se mit à rire. « Et puis, » continua Melchior, « me demander de fuir avec elle. »« C'est exactement là où je voulais en venir, » dit Melchior en souriant. « C'est moi qui lui donnais les informations, mais il lui en manque une, sans laquelle elle ne pourra pas s'en aller. » Brug ne se sentait pas surpris par ce chantage. Melchior lui faisait horreur depuis le début. « Vous êtes un reptile, » dit-il en souriant courtoisement. « Je comprends que Serena ne parvienne pas à s'attacher à vous. » Melchior sortit assez nerveusement de sa poche les ampoules de neuroleptique. « Vous boirez bien un verre à ma santé, » demanda-t-il. Brug était maintenant obnubilé par le visage de son assassin. Toutes ses affaires étaient réglées. Il ne lui restait plus qu'une seule chose à accomplir. Il fallait qu'il meure avec un panache suffisant pour que Melchior se sente petit jusqu'à la fin de ses jours. Mais très volontiers. J'apprécierais d'ailleurs que vous trinquiez avec moi, dit-il en lui cherchant un verre. Je sais que vous avez horreur du cristal, mais vous ferez une exception pour moi ce soir. Whisky, cognac ? Cognac, répondit Melchior en versant posément le contenu des ampoules dans le verre de Brug. C'est un millésime, importé d'Austrie. Mon père a toujours eu un faible pour les grands crus. Le bruit des liquides versés dans le cristal semblait remplir l'espace. « Vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que j'ajoute une larme de whisky ?» demanda Brug lorsque Melchior eut fini de vider les ampoules. « Au contraire, » dit Melchior d'une voix blanche, « le mélange est excellent. » Brug but une petite gorgée et fit semblant de le déguster en le gardant en bouche, puis il l'avala. « Beaucoup de corps, un goût assez lourd, légèrement fruité. Je m'attendais à plus d'amertume. » Il reprit une gorgée comme pour continuer son étude. « Vous êtes pâle, Melchior. Vous devez avoir chaud dans votre costume. » Melchior, en effet, sentait la sueur perler à son front. Non pas tant parce qu'il était en train de tuer un homme, mais parce que cet homme, qu'il avait toujours tenu pour un lâche, était en train de lui donner une leçon de dignité. « Finissons-en, » dit-il entre ses dents. Brug avala encore une gorgée. « Je ne vous croyais pas à ce point inélégant, Melchior. Vous me tuez comme un lâche, sans vous salir les mains, en achetant mon consentement par le chantage, puis vous voulez écourter ma dégustation. Un peu de cran, voyons. Prenez une chaise et attendez poliment la fin de la scène. » Brug fit teinter son verre contre celui de Melchior. « Ça ne vous dérange pas si je mets un peu de musique ? J'ai toujours aimé faire l'amour en musique et, je ne sais pourquoi, j'ai toujours associé la petite mort et la grande. » Il alla mettre la musique tandis que Melchior se reprenait. « Dans quelques minutes, tout serait fini, » songeait-il. « Il n'y aurait plus qu'un corps à transporter jusqu'à la falaise. »« Un tango ? » dit-il en levant la tête. « Chut !» dit Brug en avalant une autre gorgée et en fermant les yeux. Il écoutait la progression lente de la musique jusqu'à une rupture du rythme, puis il rouvrit les yeux. « Le tango est l'essence du tragique, l'essence de l'amour. Rien ne conviendrait mieux. » Il but cette fois une assez grande quantité du breuvage, et esquissa quelques pas de danse, son verre à la main dans le salon. Ses mouvements gardaient une certaine élégance à travers l'effet qui commençait à être visible des neuroleptiques. Il dut s'asseoir et fit un effort manifeste pour parler. « Son cavalier, la vie ne vaut pas la peine d'être dansée, » dit-il avec légèreté. « Elle va vous manquer, autant qu'à moi, mais... Vous savez la différence entre nous deux ? Melchior soupira. Non, dit-il. Mais vous allez me la dire avant de finir votre verre. La différence entre nous deux, c'est que Serena ne m'aurait jamais quitté. Il sourit et tout en fixant Melchior, dont le regard avait du mal à ne pas fuir, il vida son verre, vite, pour avoir le dernier mot.